Le comité de souvenirs pour le 5e anniversaire du décès du généralissime Kim Jong-il vient d'être constitué à Bâle, Suisse. Y ont participé les personnalités et membres du comité Suisse-Corée et du cercle d'études des idées du Tutsé de Suisse. À la cérémonie de constitution, on a adopté une déclaration qui indique notamment: le comité a fixé l'espace du 23 octobre au 18 décembre de l'an 105 du Tutsé 2016 comme période de souvenir du généralissime Kim Jong-il et décidé de faire largement de la propagande de ses œuvres classiques et exploits immortels et d'organiser significativement diverses cérémonies comme rendez-vous de souvenirs, séminaires sur ses exploits et séances de films.